Enseignement par le Vénérable Sayadaw Upanyasami. Retraite Vipassana 2002. Enough that we came present. We are reminded. Appamadena Sampadita. Don't forget. Be mindful on the five aggregates. This is the word of the Buddha. Appamadena Sampadita. Also his last word of the Buddha. Just before the Buddha Parinibbana, his demise, he reminded the bhikkhus to be mindful. Après la prise des préceptes, nous répétons la formule Appamadena Sampadita, ce qui veut dire « Soyez vigilants ». Restez attentifs aux cinq agrégats. Ce sont les paroles du Bouddha. Juste avant son décès, son parinibbana, le Bouddha a rappelé à ses disciples d'être attentifs. Il faut savoir que le Bouddha avait une très grande compassion pour les êtres. Il souhaitait ardemment qu'ils apprennent à être attentifs. Si nous ne sommes pas attentifs et que nous ne procédons pas comme les yogis ici présents, qui sont attentifs et observent les cinq agrégats, nous ne pourrons pas nous libérer. Si nous n'atteignons pas la libération, nous serons contraints de reprendre naissance dans le samsara, dans la ronde des existences malheureuses. C'est la raison pour laquelle le Bouddha nous recommande Appamadena Sampadita. Soyez vigilants. N'oubliez pas d'être attentifs. Pourquoi le Bouddha nous rappelle-t-il d'être attentifs? Pourquoi insiste-t-il tellement? Parce que nous nous trouvons actuellement dans une ère de Bouddha et c'est une opportunité très rare. Les Bouddhas n'apparaissent que très rarement dans le monde. Pour être un Bouddha, il faut en effet que les paramis aient atteint leur plein développement. Les paramis ou perfections sont au nombre de 10. Il y a Dana, parami, Sila, parami, Nekama, parami, les perfections du don, de la moralité, du renoncement. Il y a également la perfection de l'amour bienveillant, la perfection de la sagesse, etc. Pour être un Bouddha, il faut que ces 10 perfections aient atteint leur pleine maturité. Ceci ne prend pas qu'une seule vie, mais un nombre incalculable de vies, des millions et des millions de vies. C'est la raison pour laquelle on peut affirmer que ce n'est pas facile de devenir un Bouddha. Nous sommes également nés dans le plan humain, c'est une autre opportunité très rare. Ce n'est pas facile de reprendre naissance dans ce plan. Il faut comprendre que c'est une chance unique d'être né dans ce plan, car selon le Bouddha, la plupart du temps, les naissances ont lieu dans les plans inférieurs. Une naissance humaine ne se produit que de temps à autre. Dans la majeure partie des cas, les naissances ont lieu dans les 4 mondes inférieurs. Nous sommes donc nés dans le plan humain et nous devons nous considérer comme très chanceux. Il n'est pas fréquent que les gens aient confiance dans le Bouddha, dans son enseignement et dans ses disciples. Tout le monde n'est pas convaincu de la valeur de ces 3 joyaux. En ce qui nous concerne, nous pratiquons la méditation, nous prenons les préceptes moraux, nous écoutons les enseignements du Bouddha et faisons donc ainsi partie des rares personnes qui font confiance. C'est également une rare opportunité d'avoir renoncé au monde. Renoncer au monde, c'est se retirer volontairement du monde comme le font les moines et les nonnes. Mais on peut considérer que les yogis ici présents ont renoncé temporairement au monde. Vous avez choisi de venir ici, vous avez décidé volontairement de quitter temporairement votre famille, votre maison. Si vous n'aviez pas renoncé à tout cela, vous n'auriez pas pu venir ici pour méditer. C'est la raison pour laquelle on peut considérer que vous avez renoncé au monde temporairement. Avoir accès aux enseignements du Bouddha est quelque chose d'extrêmement rare. En ce qui nous concerne, nous avons la chance de pouvoir écouter ces enseignements. Nous sommes donc très fortunés, car nous avons la possibilité de pratiquer l'enseignement du Bouddha alors qu'il n'est plus là. Le Bouddha nous dit que celui qui voit le Dhamma le voit, celui qui ne voit pas le Dhamma ne le voit pas. C'est ce qu'il disait à ses moines de son vivant. En ce qui nous concerne, nous n'avons plus le contact direct avec le Bouddha, mais nous pratiquons, et lorsque dans la méditation nous expérimentons par nous-mêmes, nous pouvons nous dire que nous sommes en contact avec le Bouddha lui-même. Si notre expérience est authentique, elle va faire surgir la confiance dans le Bouddha, dans son enseignement et dans ses disciples. Nous avons donc renoncé temporairement au monde et avons la chance d'avoir accès aux enseignements du Bouddha. Considérons-nous donc comme très fortunés. Ce matin, à l'entretien, j'ai promis à un yogi d'expliquer en quoi consistent les éléments. Certains d'entre vous ont également expliqué à l'entretien que pendant la marche, ils expérimentaient des sensations de froid, de douceur, de dureté, de la chaleur. Pendant la méditation assise, ils ont également expérimenté chacun à leur façon la dureté, le froid, la chaleur, le mouvement, etc. Quoiqu'ils en aient fait l'expérience directe, ces yogis ne savent peut-être pas que ce sont là des choses qui doivent être comprises. Ils me disent qu'en général, ils n'ont pas envie de regarder ces choses, ils n'ont pas envie de les investiguer, mais ce sont précisément les phénomènes qui doivent être compris. C'est pour cela que nous pratiquons la méditation Vipassana. Je vais donc expliquer aujourd'hui en quoi consistent les éléments et je vais commencer par vous raconter une histoire. Cette histoire est excellente. Elle parle de Samvega, le sens de l'urgence. Il faut que nous ayons un certain sens de l'urgence. Faites donc très attention et comprenez bien cette histoire. Du temps du Bouddha, il y avait une jeune femme du nom de Visakhara. Elle habitait à Vaisali et le Bouddha vivait à Savatthi. Ces deux villes étaient très éloignées l'une de l'autre. Le Bouddha se rendit un jour dans une ville voisine, accompagné de ses disciples. Après le repas qui leur avait été offert par des dévots, le Bouddha donna un enseignement. Il rappela à l'auditoire d'être attentif, d'observer les cinq agrégats. Il leur demanda également de réfléchir à la mort. En général, les gens ont peur de la mort, ils ne veulent pas mourir. Ils aimeraient vivre à tout jamais, mais bien sûr c'est impossible. Un jour, il faudra mourir. Si nous pratiquons donc Maranānusati, le souvenir de la mort, nous pourrons faire face à cette échéance calmement, attentivement et nous n'aurons pas peur. Il faut donc pratiquer Maranānusati. Le Bouddha nous enseigne la façon dont nous devons procéder. Il faut répéter la formule suivante. La vie est incertaine, la mort est certaine. Si on veut pratiquer cette méditation de façon plus complète, on peut répéter la formule suivante. Ma vie ne durera pas, ma vie ne durera pas, ma mort est certaine, ma mort est certaine. Ma vie se terminera par la mort, ma vie se terminera par la mort. La mort est inévitable, la mort est inévitable. Ma vie est incertaine, la mort est certaine. J'aimerais que les yogis récitent maintenant cette formule de Marananusati. Ils sauront ainsi comment la pratiquer. Cette méditation est excellente. Vous pouvez la pratiquer dès que vous avez le temps. Elle vous rappellera qu'il ne faut pas faire d'actes négatifs, mais s'efforcer de faire le bien. La perspective de la mort va vous encourager également à pratiquer la méditation avec ardeur et énergie. Il faut donc pratiquer non seulement Vipassana, mais également Marananusati, la méditation sur le caractère inévitable de la mort. Cette méditation appartient au groupe de Samatha. La jeune femme entendit donc l'enseignement du Bouddha et se mit à pratiquer Marananusati chaque jour. L'assemblée, quant à elle, s'empressa d'oublier ce que le Bouddha venait d'enseigner. Après l'enseignement sur le Dhamma, le Bouddha retourna à Savatthi et 3 ans plus tard, il survola le monde de son œil divin à la recherche de personnes qui seraient capables de comprendre son enseignement et d'atteindre l'éveil. Son désir de voir les gens atteindre l'illumination était très grand. C'est la marque de la grande compassion du Bouddha. Il vit Visakhara et comprit qu'elle était mûre pour comprendre son enseignement et atteindre le premier niveau d'illumination. Il retourna donc dans la ville où se trouvait la jeune femme pour lui faire atteindre la libération. Arrivé dans sa ville, il annonça qu'il allait donner un enseignement. Lorsque Visakhara entendit que le Bouddha allait donner un enseignement, elle souhaita ardemment pouvoir assister. Mais son père avait besoin d'elle. Il se mit donc en route pour rejoindre son père. Elle rencontra le Bouddha qui s'apprêtait à donner son enseignement. N'arrivant pas à se décider, elle lui demanda conseil. « Dois-je me rendre chez mon père ou vaut-il mieux que j'écoute l'enseignement ?» Le Bouddha savait qu'elle devait donner la préférence à l'enseignement, sans quoi elle aurait manqué sa chance d'atteindre l'illumination. Il la regarda donc intentionnellement et Visakha comprit que par ce regard, le Bouddha lui signifiait qu'elle devait donner la préférence à l'enseignement. Elle se mêla donc à l'assemblée et s'apprêta à écouter. À peine s'était-elle assise que le Bouddha lui posa une question. « Chère fille, d'où viens-tu ? » Visakha répondit immédiatement « Je ne sais pas, vénérable. » Le Bouddha lui posa alors une deuxième question. « Où vas-tu, chère fille ?» « Je ne sais pas, vénérable, » fut la réponse de Visakha. Le Bouddha posa une troisième question. « Ne sais-tu pas, chère fille ?» Et Visakha répondit, « Si, vénérable, je sais. » L'assemblée était dans la confusion. Les gens se dirent que la jeune femme n'avait pas été correcte, qu'elle avait manqué de respect envers le Bouddha. Lorsque le Bouddha lui a demandé d'où elle venait, elle aurait dû répondre tout simplement qu'elle venait de chez elle. Lorsqu'il lui demanda où elle se rendait, elle aurait dû simplement répondre qu'elle allait au travail. Mais elle avait donné des réponses toutes différentes et l'assemblée était donc dans la confusion. Le Bouddha savait que les gens étaient perplexes. Mais il poursuivit en posant une dernière question à la jeune femme. « Ma fille, sais-tu ?» Et Visakha répondit « Non, vénérable, je ne sais pas. » Le Bouddha avait donc posé 4 questions à la jeune femme. À 3 de ces questions, elle répondit par la négative et à 1 de ces questions, elle répondit par l'affirmative. Le Bouddha voulut dissiper la confusion de l'assemblée. Il demanda donc à la jeune femme d'expliquer pourquoi elle avait répondu « Je ne sais pas » à la première question « D'où viens-tu ?» La jeune femme répondit au Bouddha que bien sûr elle savait qu'elle venait de chez elle, mais que la question du Bouddha lui semblait porter sur ses existences passées. De quelle existence passée venait-elle? C'est la raison pour laquelle elle avait répondu qu'elle ne savait pas. Cette réponse était donc correcte et le Bouddha était satisfait. C'est vrai, nous ne savons pas de quelle existence passée nous sommes issus. Selon l'enseignement du Bouddha, il y a 31 plans d'existence. Il n'est pas possible de savoir dans quel plan on vivait précédemment. Le Bouddha poursuivit et demanda à la jeune femme pourquoi elle avait répondu « je ne sais pas » à la deuxième question. Cette deuxième question était « Où vas-tu ?» Vénérable, répondit la jeune femme, je ne sais pas dans quel plan d'existence je reprendrai naissance après cette vie. La réponse était correcte et le Bouddha répéta 3 fois Sadhu. En effet, nous ne savons pas quel plan d'existence sera le nôtre après cette vie. Je vous expliquerai tout à l'heure comment il y a moyen de s'en faire une idée, malgré tout. Le Bouddha expliqua alors à la jeune femme qu'il avait posé une troisième question, à laquelle elle avait répondu « Si vénérable, je sais ». Cette troisième question était « Ne sais-tu pas ?» La jeune femme expliqua qu'elle savait qu'un jour elle mourrait. C'est la raison pour laquelle elle a répondu par l'affirmative. Et enfin, la dernière question du Bouddha était « Jeune femme, sais-tu ?» Et Visakha avait répondu « Non, je ne sais pas. » Elle expliqua qu'elle ne savait pas quand elle mourrait et c'était la raison pour laquelle sa réponse était négative. Revenons à la deuxième question du Bouddha. « Où vas-tu ?» à laquelle la jeune femme répondit « Je ne sais pas, vénérable. » La jeune femme voulait donc signifier qu'elle ne savait pas dans quel plan elle reprendrait naissance. Je vous ai dit qu'il était possible de se faire une idée du plan dans lequel on allait reprendre naissance. Le Bouddha nous demande de ne pas commettre d'actions négatives. Il nous demande de cultiver les actions méritoires. Il nous demande de nous purifier l'esprit. Si nous suivons ces instructions, nous saurons dans quel plan nous allons reprendre naissance. Ne pas faire le mal, c'est-à-dire s'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné, s'abstenir de nuire aux autres, s'abstenir d'activités sexuelles illégitimes, tout cela sont des actions négatives dont il convient de s'abstenir. Cultiver le bien. Il y a 10 actions positives, comme par exemple le fait d'écouter les enseignements, de respecter le Bouddha, le Dhamma, la Sangha, d'aider les yogis, de respecter les moines, les personnes âgées, tout cela sont des actions positives. Si vous les pratiquez, vous ne reprendrez pas naissance dans les plans inférieurs, vous reprendrez naissance dans les plans supérieurs. Si vous pratiquez la méditation Samatha, vous pourrez reprendre naissance dans les plans de Brahma. Si vous pratiquez la méditation Vipassana, vous pourrez atteindre la libération. Il est donc possible de savoir dans quel plan on reprendra naissance. La dernière question du Bouddha était « Jeune fille, sais-tu ?» À laquelle la jeune femme répondit « Non, vénérable, je ne sais pas. » La jeune femme ne savait pas quand elle mourrait, et c'est vrai, personne ne sait quand il mourra. Il y a 5 choses que les gens ignorent. Quelles sont ces 5 choses? Il y a tout d'abord la durée de la vie. Combien de temps vivrons-nous? 100 ans? 50 ans? Personne ne sait. Les maladies dont on souffrira. Il est certain qu'un jour on tombera malade. On a beau prendre soin de son corps, la maladie nous guette, nous en serons victimes une ou plusieurs fois au cours de notre existence. Le moment de la mort, la jeune femme a répondu « Non, vénérable, je ne sais pas » parce qu'elle ignorait le moment de sa mort. L'endroit où on sera enterré ou brûlé. Et enfin, dans quel plan on reprendra naissance. Ce sont donc là les 5 choses que les gens ignorent. Personne ne peut donner de réponse à ces questions à part le Bouddha. Nous ne savons donc pas quand nous mourrons. Il est donc très recommandé de se mettre à la pratique de la méditation Vipassana avant cette échéance. La mort peut survenir à n'importe quel moment. Il ne faut donc pas postposer la méditation en se disant, par exemple, qu'on pratiquera l'année prochaine. Il ne faut pas se dire qu'on pratiquera Vipassana lorsqu'on sera à la retraite. Ne remettons pas à demain, car la mort peut survenir à n'importe quel moment. Il est donc très recommandé de commencer à méditer sans tarder. Il est également très recommandé de commencer à méditer avant de tomber malade. C'est une erreur de croire que parce qu'on est jeune, il faut profiter de la vie, que la méditation, ce sera pour plus tard lorsqu'on sera devenu vieux. Mais la maladie guette tout le monde, les jeunes comme les vieux. Elle n'est pas réservée aux vieux. Et lorsque nous serons devenus vieux, nous n'aurons plus beaucoup de mémoire, nous ne pourrons plus noter les phénomènes qui se manifestent aussi portes sensorielles, nous serons faibles physiquement. Ce n'est donc pas un bon moment pour débuter dans la pratique. Commençons donc à méditer avant d'être malade, avant d'être vieux, avant d'être mort. La jeune femme avait donné des réponses correctes et le Bouddha manifesta son approbation en répétant 3 fois « Sadhu ». Mais l'assemblée était ignorante et ne comprenait pas les réponses de la jeune femme. L'ignorance est comparée aux ténèbres. Le Bouddha nous dit que dans le monde, les gens sont comme des aveugles. Ceux qui voient clairement sont aussi peu nombreux que les oiseaux qui échappent au filet du chasseur. Un petit nombre de personnes comprend le Dhamma. Je vais vous expliquer ces paroles du Bouddha. Seul un petit nombre de personnes voient clairement. Ceci veut dire que seules les rares personnes qui pratiquent la méditation Vipassana voient les choses telles qu'elles sont réellement. Ils les voient clairement. Vous qui êtes ici, vous voyez donc les choses telles qu'elles sont réellement. Vous pratiquez la méditation Vipassana, vous suivez les instructions, vous pratiquez en posture assise et en marche. Vous gardez le dos bien droit en posture assise et vous maintenez votre attention sur l'abdomen. Vous observez les mouvements de l'abdomen. Vous pratiquez l'attention pure. Lorsque le soulèvement a lieu, vous notez soulèvement. Lorsque l'abaissement a lieu, vous notez abaissement. Vous observez de façon très précise et constatez le gonflement, ensuite le dégonflement. Vous expérimentez parfois de la contraction, de l'expansion. Parfois, à l'entretien, vous racontez que les mouvements se produisent de telle ou telle façon. Tout ceci, c'est donc votre expérience à vous. Si vous n'aviez pas vraiment expérimenté par vous-même, vous n'auriez pas pu expliquer tout cela à l'entretien. Vous ne dites pas que vous avez réalisé l'élément air, mais vous expliquez que vous avez vu les mouvements de l'abdomen. Le mouvement, c'est l'élément air. S'il n'y avait pas d'air dans le ventre, l'abdomen ne pourrait pas se gonfler. Il ne pourrait ni se soulever ni s'abaisser. En voyant le soulèvement de l'abdomen, vous avez donc expérimenté, réalisé le mouvement de l'abdomen. On peut donc dire que vous voyez clairement. Parfois, à la fin des mouvements d'abaissement, le méditant a l'impression que son abdomen subit une pression. Lorsqu'il observe le toucher, il ressent une sensation de dureté également. Parfois, ce sera au contraire une sensation de douceur. Parfois, le méditant explique qu'en posture assise, la salive s'accumule dans sa bouche. Il note alors accumulation, accumulation, avaler, avaler. Ce méditant expérimente l'élément fluidité puisque la salive, c'est l'élément fluidité. Il voit tout cela objectivement, à distance, sans être identifié. Il ne pense pas « j'ai de la salive dans la bouche ». Il expérimente tout simplement l'élément fluidité. Lorsqu'il avale, il est très attentif et note « avaler, avaler ». Et c'est de nouveau l'élément eau qu'il expérimente, l'élément fluidité, même s'il ne le verbalise pas. Il a cependant expérimenté l'élément fluidité à peau d'atout. Parfois, il va ressentir de la chaleur. Il note alors chaleur, chaleur. Et lorsque c'est du froid, froid, froid. La chaleur et le froid, c'est l'élément feu. Il y a donc quatre éléments selon l'enseignement du Bouddha. Lorsque vous pratiquez la méditation, vous expérimentez ces quatre éléments et vous comprenez, vous réalisez l'enseignement du Bouddha. Vous êtes une personne qui voit clairement. Lorsque vous expérimentez la chaleur et que vous notez chaleur, chaleur, que vous observez ce phénomène à distance, y a-t-il quelqu'un, une personnalité qui est impliquée dans ce processus? Pensez-vous, j'ai chaud? Non, il n'y a personne. Dans cette sensation de chaleur, y a-t-il un il, un elle? Non, il n'y a que la sensation de chaleur. Lorsque vous expérimentez l'élément eau, êtes-vous impliqué dans le phénomène? Y a-t-il quelqu'un, un je, un tu, un il, qui est impliqué dans le phénomène? Non, il n'y a qu'une sensation de fluidité, l'élément apodatu et l'esprit qui note cet élément. La chaleur et le froid, c'est la matière. La prise de conscience, c'est l'esprit. Lorsque vous expérimentez le mouvement, c'est vayodatu. Lorsque vous expérimentez la douceur et la dureté, c'est patavidatu, l'élémentaire. Les éléments sont la matière, la prise de conscience, c'est l'esprit. Il n'y a jamais que les éléments et l'esprit qui notent. Dans les éléments, il n'y a aucune entité, aucune personnalité, aucune âme à trouver. Vous avez expérimenté cela très clairement. Tout cela sont des choses qui doivent être comprises par le méditant au moment où il pratique l'attention. Vous avez expérimenté tout cela, vous avez expliqué à l'entretien la façon dont vous avez expérimenté les quatre éléments. J'ai pu constater que vous avez travaillé très sérieusement, que vous êtes très attentif, non seulement pendant la méditation assise, mais également pendant la marche. Donc, si vous expérimentez les quatre éléments dans les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, cela veut dire que votre attention est très développée. Il se sera très facile d'expérimenter tout cela dans la marche également. Vous faites une note, deux notes ou trois notes à chaque pas et vous allez peut-être expérimenter la dureté ou la douceur. Certains en ont parlé à l'entretien. Toutes ces choses doivent être expérimentées et réalisées. Il ne faut pas les ignorer. Si nous sommes très attentifs pendant la méditation, nous pourrons expérimenter encore beaucoup d'autres choses. Il faut donc rester très vigilant et maintenir l'attention. Au début, il ne sera cependant pas possible de noter en détail. C'est la raison pour laquelle on note simplement gauche, droite, et comme l'attention n'est pas encore très développée, on ne ressentira probablement que le mouvement. Mais lorsque vous notez lever, avancer, abaisser, il devient possible de ressentir la légèreté au moment où le pied s'élève. On peut également avoir l'impression que le pied est poussé par l'arrière lorsqu'il s'avance. Et lorsqu'il s'abaisse, on a une impression de lourdeur. Lorsque le pied touche le sol, on ressent la dureté. Les prises de conscience sont donc de plus en plus fines au fur et à mesure que l'attention se développe. Tout ceci explique les paroles du Bouddha, seul un nombre limité de personnes voit la réalité telle qu'elle est. Lorsque vous présentez vos expériences à l'entretien, faites-le selon un schéma en trois phases, apparition de l'objet, annotation et expérimentation. L'objet apparaît, vous le notez et vous l'observez. Il faut noter les objets lorsqu'ils apparaissent. Imaginons par exemple que ce soit le mouvement de soulèvement. Vous voyez apparaître le soulèvement, vous le notez, soulèvement. Si c'est l'abaissement, vous le voyez apparaître et vous notez abaissement. Ensuite, vous observez tout ce qui se passe. L'abdomen va se gonfler, il va ensuite se dégonfler. Ce qui note, c'est l'esprit. Et c'est la même chose avec la marche. L'avancement, l'abaissement, c'est la matière. Le soulèvement de l'abdomen, l'abaissement de l'abdomen, c'est la matière. La prise de conscience, c'est la compréhension, c'est la sagesse. À l'entretien, vous dites par exemple, j'ai observé de la chaleur, du froid, de la douceur, de la dureté. Le fait d'avoir expérimenté ces choses, c'est la sagesse, c'est la compréhension. Un méditant qui réussit à observer de cette façon, en voyant apparaître l'objet, en le notant et en expérimentant ce qui se passe, peut se dire qu'il a dépassé les concepts. En effet, au moment où il observe l'abdomen qui se soulève, il ne s'implique pas dans le processus en pensant, par exemple, « mon abdomen se soulève ». Il ne vit pas cela subjectivement. Lorsqu'il observe le pied qui s'avance, il ne pense pas « j'avance le pied ». Cette façon de percevoir n'existe plus. Vous observez simplement ce qui se passe à distance de façon détachée. Vous observez simplement l'objet. Dureté, douceur, froid, chaleur. Et vous vous libérez ainsi des vues fausses et vous acquérez la vue juste, samadhi. Donc, par la pratique de la méditation vipassana, on comprend les choses telles qu'elles sont, on développe la sagesse. Je vous ai expliqué brièvement comment vous dépassez les concepts, comment vous vous libérez des vues fausses grâce à votre attention. Plus vous serez attentif, plus vous pratiquerez la méditation vipassana, mieux vous comprendrez, mieux vous verrez la réalité telle qu'elle est vraiment. Si vous voulez voir clairement, vous devez donc pratiquer plus. Il y a tant de choses à comprendre. L'enseignement du Bouddha est très subtil et très profond. Plus nous pratiquerons, mieux nous verrons. Le Bouddha nous dit lui-même que son enseignement est d'une richesse infinie. Le Dhamma qu'il a réalisé par sa propre expérience est extrêmement profond. Plus vous pratiquerez, plus vous comprendrez. L'enseignement, le Dhamma, ne peut pas être vu à l'œil nu. Seul l'œil de la sagesse peut le voir. Le Dhamma est très profond. Il n'est pas possible de le comprendre par le raisonnement logique. Pour le comprendre vraiment, il faut pratiquer. La connaissance intellectuelle est insuffisante. Vous êtes des pratiquants de la méditation vipassana et vous allez comprendre expérimentalement les éléments et vos progrès seront directement proportionnels à l'effort que vous allez fournir. Je vous ai donc expliqué comment vous avez expérimenté directement par vous-même les quatre éléments au moment où vous observiez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous expérimentez également l'octuple sentier au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais nous avons assez parlé ce soir, nous en resterons là. May you be well and happy. May you be able to practice meditation attentively and energetically. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are.